choix du vice à l'envie. Tout en clair, on sonne l'art du tambour battant dans les boucles sous les caprices du ciel tintant. Au cœur du monde, au cœur du monde, la leçon de première dans l'ombre des grands scènes révèle le jour en acte des secrets que l'on peut comprendre. Enfermé dans le noir et l'audition par des cités, flairer l'air du temps, du chant et des bocages, par-delà vos rêveries en open field, consommé d'étoiles. Le monde en saison, son voile et se dévoile. Voile, voile, voile, voile, voile.